moi Jésus. Souviens-toi de moi maintenant. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras tes élus. Souviens-toi de moi. Ils traverseront ce fleuve de la mort. Souviens-toi de moi. Oh, entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. Oh, Golgotha seulement. Pour moi Jésus, souviens-toi de moi. C'était pour que je sois justifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois sanctifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois rempli de l'esprit. Souviens-toi de moi. C'était pour ma perfection. Souviens-toi. Comment? Oh Jésus, souviens-toi de moi. Solo nanga, oh Masia, Santo Rei. Que tu as fait dans la tombe. Il croyait que tu allais mourir comme tous les saints d'autrefois. Mais le troisième jour tu sortis de la tombe. Et aujourd'hui tu es sur mon héritage, puissant vainqueur. et bon ma qui était à Zala, n'a pas même bon Miki. Et y'a qui yo yesu, foya na yo na li bosso, polo bin, zeke na li polo, et zali na dako, kasi moi na na moto, a zangi, place a ti a moto. Lelo yo yesu, yo moli momo santu, o kouti na kona mote mananga, y li si konanga, o li si konanga, yesu, li si konanga. Il est celui qui guérit. Il est celui qui peut te prendre et te renverser par terre. Il est le Saint-Esprit de Dieu. Nous lui donnons beaucoup de place. Seigneur, descends. Seigneur, guéris. Seigneur, purifie. Seigneur, pardonne. Alléluia. Donne-lui des acclamations. Poussez des cris de joie à celui qui vit au siècle des siècles.